complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex. Bonjour Anne, et puis merci d'avoir accepté de prendre le temps de discuter avec nous donc pour cette balado qu'on utilise pour le cours des polymères et des composites à l'École Technologie Supérieure. Pour commencer, peut-être quelques questions sur ta carrière, ce que tu as effectué au niveau de tes études et comment tu t'es retrouvé où tu t'es retrouvé aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts en ingénierie au niveau du bac? Comment ça a commencé pour toi? Dans le fond, moi, j'ai toujours aimé les aliments. J'ai toujours une fascination pour tout ce qui est transformation alimentaire, comment on cuisinait tel ou tel truc. J'ai beaucoup cuisiné dans ma jeunesse. Puis, moi, je suis quelqu'un de très appliqué. Je sais pas, je pense que j'étais assez cartésienne dans la vie. Je me dirigeais vers un programme qui était vraiment dans le domaine appliqué. C'est pour ça que je suis allée vers la science et technologie des aliments à l'Université Laval à Québec. C'est un programme qui, dans le fond, entoure tout ce qui est la transformation alimentaire, autant au niveau de la qualité que des processus de contamination, processus de fabrication et tout ça, tous les traitements à chaud, à froid, pasteurisation, stérilisation et barème et tout ça. Fait que j'ai décidé d'aller vers ce programme-là. Vers la fin de mon bac, j'ai fait un stage en entreprise qui me fait rendre compte que c'était pas nécessairement le dream job pour moi en termes de fonction. Évidemment, c'était une expérience de travail parmi tant d'autres. Mais dans le fond, ça m'a amené à une réflexion un peu plus tard de peut-être continuer à faire les études. Puis, en parallèle à mes études, j'étais aussi sur l'équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste. Puis, j'avais envie de continuer. Je n'avais pas du tout donné dans ce registre-là. Avec un travail à temps plein, ça aurait été plus ou moins faisable. Donc, pour moi, continuer à faire une maîtrise et éventuellement peut-être un doctorat, c'était ce qui était de mieux. J'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se faisait au niveau des possibilités de projets de maîtrise, autant dans le domaine de la science des aliments. À ce moment-là, tout ce qui était par rapport aux emballages et l'éco-responsabilité, tout ça, ça commençait, là, on parle de fin, les années 2010, 2012. Donc, c'était pas très glamour, mais bon, en regardant un peu de publications scientifiques, j'ai vu à un moment donné quelque chose sur un emballage, dans le fond, un polymère liquide qui était sprayé sur un aliment pour faire un coating, là, finalement, pour faire protéger l'aliment et conserver la durée de vie un petit peu plus. Puis ça m'a comme mis la puce à l'oreille que c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment en gros. Fait que c'est à ce moment-là, j'étais allée voir un de mes profs, puis j'ai discuté de ça. Elle m'a dirigée vers une des profs de l'Université de Laval qui était spécialisée dans ce genre de projet-là. En discutant avec elle, finalement, on s'est rendu compte que mon dossier permettait de faire une demande de bourse, là, au niveau de FRQNT, CRSNG. Puis donc, j'ai finalement eu une bourse. J'ai continué à la maîtrise sur ce sujet-là, qui était précisément, dans le fond, développer une forme sous forme de gélifié, là, des protéines de soya à froid, que je gélifiais à froid, sans utilisation de chaleur typique, là, pour ce type de gel-là. Puis on incorporait des molécules, puis après ça, on observait la libération contrôlée, là, dans le temps, puis dans les conditions gastrique, intestinal et tout ça. Donc, c'était un peu à l'intersection entre l'alimentaire, le pharmaceutique, tout ce qui est procédé aussi, là, de digestion et tout ça. Donc, ça a été un projet intéressant, mais au bout de la maîtrise, c'était pas complètement terminé. Puis, il y avait opportunité pour moi de faire un passage direct au doctorat. Ma carrière sportive allant assez bien, j'ai décidé encore là de poursuivre. Ça a été une grosse décision parce que, bon, le doctorat m'a toujours dit, mon Dieu, ça va être exigeant, tu vas voir. Tu sais, c'est plus loin que la maîtrise, mais j'avais la même directrice de thèse que j'avais pour la maîtrise. Puis elle était toujours ouverte à ça. Et puis, j'abusais pas du système non plus. Donc, je travaillais en considérant les deux grands dossiers de ma vie de front. Fait que ça m'a permis vraiment de travailler avec les bons outils, les bonnes personnes, puis des gens qui m'aidaient plutôt qu'ils me mettaient les bâtons dans les roues, là, pour poursuivre jusque-là. Et puis, donc, c'est ça. J'ai terminé finalement mon doctorat après quand même... Bon, plusieurs années, là, j'ai passé en tout et partout une dizaine d'années à l'université. J'ai terminé ma carrière d'athlète en étant réserviste pour les Jeux olympiques de Vancouver. Donc, merci. J'ai fait des Coupes du monde aussi. Puis, ça a été une belle expérience. Je suis contente de l'avoir essayé. On m'avait toujours dit, bon, tu vas voir, c'est pas possible de continuer les études graduées en faisant du sport de haut niveau. Beaucoup en ont été découragés sans même essayer. Puis moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir un père qui me poussait pas qui me poussait négativement, mais qui me dit, ben, tu sais, essaye-le, t'as rien à perdre, t'es jeune, t'as tout à gagner, puis je suis contente de l'avoir fait. Et puis si on pense aux étudiants là qui vont nous écouter et qui se posent peut-être les mêmes questions. C'est quoi le gros conseil que tu aurais pour eux dans le cas où ils envisagent de continuer des études longues, mais qu'il y a quelque chose d'autre d'important dans la vie qui les retient un peu? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire, à leur conseiller? Bien, c'est de voir les possibilités, de se donner la chance, d'essayer, de ne pas avoir peur de travailler non plus, de se donner. Il faut vraiment qu'on ait les deux, à cœur, là, pour que ça se réalise, je pense, là. Les études graduées, c'est long. Ça peut être long, en fait. Ça peut être décourageant à certains moments parce que, bon, ça ne marche pas toujours du premier coup. Moi, par exemple, la formulation de gel, j'ai travaillé dessus. Tous les jours, j'essayais quelque chose de nouveau, ça ne fonctionnait pas. Mais si tu as une autre chose dans ta vie qui te permet d'avoir un équilibre, puis de maintenir tout ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien, là. Donc, c'est ça. Je pense que c'est d'avoir un équilibre dans la vie. C'est un des bons conseils que j'aurais à vous donner, là. Des fois, on a tendance à trop s'investir, ben, pas négativement, mais si on s'investit trop dans un seul domaine, des fois, ça peut être dur sur le moral, là. Donc, Ouais, non, ça si marche on pas est super capable bien. de, si on est capable de donner les outils pour faire ce qu'on aime, c'est ce qui compte. Juste pour un exemple plus concret, à quoi ressemblait ta semaine pour gérer ces deux aspects? Est-ce que tu étais le matin au labo, l'après-midi sur la piste ou comment? Ça dépend. Il y a un certain temps de ma vie où ce que je m'entraînais le matin, justement, au PEPS de l'Université Laval. Mon Dieu, je ne sais même pas encore s'il existe, mais c'était notre endroit d'entraînement. Au début, maîtrise, je faisais ça surtout à Québec avec un club. Donc, le matin, j'étais beaucoup au laboratoire. J'essayais de terminer tôt mes trucs pour fin d'après-midi me diriger vers ma plateforme d'entraînement. Et puis, vers la fin de maîtrise, début doctorat, c'est là que j'ai dû déménager à Montréal pour être intégrer le centre d'entraînement de l'équipe nationale. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai travaillé beaucoup à temps partiel, c'est-à-dire que quand c'était le off-season de mon sport, j'allais faire beaucoup, beaucoup de recherches au laboratoire à Québec. Donc, j'essayais d'avancer pendant ma saison de sport là, au niveau de rédaction des protocoles, préparation et tout ça. Puis après ça me permettait d'arriver d'être efficace quand j'arrivais au laboratoire au printemps et à l'été. Puis aussi, j'avais la chance d'avoir des stagiaires qui étaient engagés par ma directrice de thèse qui me permettait de faire le travail là, puis de finaliser certaines choses là, pendant la saison hivernale pour moi. Puis j'intercalais ça, mes publications scientifiques aussi, j'en ai fait quatre dans le cadre de mes études. J'ai essayé de les intercaler, pas toutes les avoir à rédiger à la fin, parce que des fois, ça peut être décourageant. On oublie des choses aussi, là. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait là, dans le fond, presque à chacune des années de mon maîtrise doctorat. Je finalisais une séquence, j'ai rédigé mon article, je partais sur autre chose après ça, là. C'est la bonne manière de faire là, comme ça reste frais. Ça. Puis ouais, les stagiaires, c'est super important. On en parle d'ailleurs parfois dans le cours, genre, on parle des opportunités de stage aux étudiants. Puis il y a des opportunités de stage en laboratoire, en recherche. Et sans les stagiaires, les labos ne fonctionneraient pas parce qu'effectivement, il y a trop de travail pour les étudiants gradués. Puis ils ont des stagiaires motivés qui viennent les accompagner. C'est top. Peut-être quelques mots sur le programme que tu as suivi à l'université sur les sciences et technologies alimentaires. Ça, si on ne connaît pas trop ce programme, est-ce que tu pourrais nous résumer rapidement, c'est quoi qu'on étudie là-dedans? Oui, on étudie, contrairement à la nutrition, c'est vraiment au niveau des processus de transformation. Par exemple, tout ce qui est processus de transformation, bon, je veux dire de l'alcool, les étudiants connaissent bien l'alcool. Le fromage, tout ce qui est conservation aussi, l'importance d'avoir les barrières multiples contre la contamination microbienne, contre les agents chimiques, et puis c'est quoi l'impact des additifs alimentaires, c'est quoi tout aussi les différents principes qualitatifs qui existe, salubrité en entreprise alimentaire, comment il faut fonctionner quand on fait la marche en avant, c'est-à-dire qu'il y a une section réception des matières premières, on avance vers le produit transformé, l'expédition et tout ça. Donc, en gros, c'était ça, c'était très diversifié, là. Il y avait moyen de se spécialiser soit en contrôle qualité ou plus en chimie. Dans mon cas, j'ai fait plus contrôle qualité, mais tu sais, ça ne changeait pas beaucoup de cours comme tel là, dans le processus. C'est quoi le contrôle qualité dans ce cas? Contrôle qualité, c'est vraiment de développer, en fait, dans les entreprises, une marche à suivre avec des formulaires et des principes de base au niveau du contrôle des points critiques. Par exemple, quand on reçoit les matières premières, de faire les analyses avant que ça aille trop loin dans la transformation du produit. Après ça, c'est quoi les points critiques quand on transforme? Est-ce que les barèmes de pasteurisation, par exemple, sont bien respectés, tout ça? Est-ce que au niveau de l'emballage, on est sûr qu'il n'y a pas de fuite quand on scelle, tout ça, c'est des points qu'on va aller voir. C'est tout un mode de fonctionnement dans une entreprise qui est de plus en plus présent là, en agroalimentaire. Ça s'en vient même obligatoire là, par le MAPAC. Là. Donc, c'est des choses qui sont bien implantées dans les grandes entreprises puis qui permettent de s'assurer d'avoir une très grande qualité du produit. Durant tes études, c'est à quel moment qu'il y a eu un virage qui s'est fait petit à petit vers les polymères, en fait? Parce que là, il me semble, ma compréhension, c'est que tu travailles à l'Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire. Donc, les emballages, c'est pas mal des plastiques pour les aliments, je pense. Donc, c'est quand que l'intérêt pour toi a commencé à grandir envers les polymères? Bien, l'intérêt a commencé même quand j'expliquais tantôt que quand j'ai commencé mes études graduées, ce qui m'avait interpellée, c'était tout ce qui est emballage comestible, emballage biodégradable et tout ça. Finalement, le sujet de ma mémoire et de ma thèse n'était pas nécessairement dirigé là-dessus, mais je me suis toujours dit que si j'avais une opportunité plus tard de travailler dans ce domaine-là, je le ferais. Puis avec les années aussi, quand j'ai fini mes études, tu sais, il y avait toutes les causes environnementales. On commençait à parler des océans de plastique dans le Pacifique et tout ça, là, fait que ça interpellait beaucoup l'environnementaliste en moi et beaucoup de gens autour. Suite à mon doctorat, j'ai fait un cours postdoc à Agriculture Canada, travaillé un peu sur différents sujets. Puis après ça, j'ai obtenu une opportunité là, justement à l'Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire. Dans le fond, l'offre d'emploi n'était pas nécessairement liée aux polymères comme tel. Nous, on cherchait quelqu'un plutôt qui est capable de faire le lien entre l'emballage justement et le produit transformé. C'est quoi les besoins de tel produit? Par exemple, une salade ne va pas être emballée dans les mêmes conditions que de la viande, que les produits céréaliers, tout ça. Donc, l'emballage est lié de très, très près à l'aliment. Et puis, c'est ça qui m'a attirée dans ce travail-là. Puis, c'est pour ça que je me suis retrouvée là. J'ai eu beaucoup de rattrapage à faire parce que je voulais devenir compétente, évidemment, comme toute personne qui entre sur le marché du travail. J'avais une partie de la réponse, une partie des connaissances avec l'aliment, mais tout ce qui est emballage était nouveau pour moi. Puis c'est correct aussi parce que justement, ça m'a permis de me diversifier dans mes connaissances. Et puis ça a été vraiment le début d'une belle aventure. Pour revenir sur un petit quelque chose que tu as mentionné, dans le cas où certains ne seraient pas au courant, c'est quoi cet océan de plastique dont tu parles, ce plastique dans l'océan que tu as mentionné? C'est quoi ça? Oui, c'est dans le fond, tous les déchets qui sont liés à plastique. On parle toujours des ballots qui sont non réutilisables ici au Québec, qui sont envoyés souvent par bateau à l'étranger. La Chine a récemment refusé nos ballots de plastique également, donc qui se sont en raison d'une qualité qui n'était pas assez bonne pour leur utilisation. Puis après ça, dans le fond, ces ballots de plastique-là voyagent à travers le monde. Malheureusement, de ce que l'on en sait là, présentement, ce qui se passe, c'est que les pays industrialisés, les pays du G7 et plusieurs autres pays ont des réglementations assez strictes par rapport à l'environnement et puis ont des résultats aussi à atteindre. Donc, ce qui se ramasse, c'est que les plastiques qui ne sont pas récupérables, tout ça, ils se ramassent à un endroit où la législation est beaucoup moindre, puis malheureusement, souvent, ils sont soit incinérés, soit envoyés à l'eau. Donc, ça fait partie des problématiques liées au plastique, là, entre autres, par les pays d'Asie du Sud-Est. Là, souvent, ça transite à ces endroits-là. Je ne connais pas tous les détails là, de ce monde-là, mais c'est sûr que c'est une problématique. C'est sûr que les gens veulent bannir le plastique aussi parce que pour eux, de voir ça, ça frappe l'imaginaire, de voir des océans, des îles carrément de plastique là, qui flottent. Là. C'est une problématique en soi, mais aussi d'autres problématiques que l'on ne voit pas, entre autres comme l'empreinte carbone, qui est une autre problématique qu'on le voit à travers d'autres phénomènes comme les changements climatiques et tout ça. Là. Puis, si on parle de l'alimentaire, la majorité des emballages qu'on utilise dans l'alimentaire, est-ce qu'ils sont d'origine plastique ou est-ce qu'il y a du carton, mais en termes de quantité, c'est quoi qui... Oui, au niveau de l'emballage primaire, dans le fond, l'emballage qui est en contact direct avec l'aliment, la plupart du temps, ça va être un emballage qu'on dit multicouche, donc qui va contenir différents types de plastique, que ce soit du flexible ou du rigide, pour atteindre des différentes fonctions. C'est-à-dire, ça peut être pour donner une résistance mécanique. On va donner, par exemple, une couche avec du polyamide ou du nylon. Donc, ça peut faire résister un emballage sous vide, par exemple, pour des qui contiennent des os, des pièces de viande avec des os, par exemple. T'sais, ensuite, on peut mettre une couche de VOH ou d'un autre polymère qui est haute barrière au gaz pour limiter la progression de l'oxygène dans l'emballage et, bon, finalement, qu'il n'y ait pas d'oxydation. Par exemple, si on a un sac de chips qui est gonflé, ben, d'un, il est gonflé pour limiter les bris mécaniques, mais aussi, il est flushé à l'azote, qu'on dit en bon français. Dans le fond, on élimine l'oxygène résiduel à l'intérieur pour le remplacer par un gaz inerte qui est l'azote. Ça fait en sorte que les huiles ne vont pas se dégrader rapidement dans des conditions de température ambiante. Puis, évidemment, on doit coupler avec ça un sac qui est imperméable au gaz, à un certain niveau, du moins, pour que la durée de vie du produit soit, la qualité soit assurée. Ben, donc, ça permet de conserver le produit adéquatement. Ensuite, bon, il y a toutes les couches qui sont nécessaires à avoir une bonne impression pour mettre l'image de marque sur le produit. Il y en a qui ont aussi quand on parle d'emballage secondaire, ben là, on parle plus des fois de protection, par exemple, pour limiter les bris mécaniques, pour faciliter le transport et tout ça. Fait que le plastique en emballage primaire est pas mal ce qu'il y a de plus présent, je vous dirais. Toutes les sortes de plastiques, le polyéthylène, polypropylène, le PET dans les bouteilles d'eau est très présent aussi. En fait, c'est le numéro un. Donc, on voit moins des PVC ou des choses comme ça dans l'alimentaire, mais c'est vraiment une des composantes primaires parce qu'on peut l'adapter à plusieurs produits, on peut le combiner, comme je disais. Au niveau de l'emballage secondaire, ben, on est plus dans les cartons, on est plus dans les, je veux dire le terme en anglais, des shrink wrap, là, des pellicules rétractables ou étirables qui permettent d'assembler différents lots d'emballage. Puis les plastiques que tu as mentionnés, par exemple, pour l'emballage, tu as parlé du polypropylène, du polyéthylène, du PET, qui sont tous des plastiques les plus communs là, de base qu'on obtient d'origine pétrolifère, puis qui sont aussi très stables et donc très difficiles à dégrader avec le temps, ce qui nous ramène au problème là, des emballages qui flottent dans l'océan. Mais peut-être pour revenir sur le paquet de chips, c'est intéressant parce que ce que tu es en train de nous dire, c'est que le paquet de chips, c'est pas juste une couche de plastique. On va avoir plusieurs couches de plastique différents et peut-être même un petit peu de métal. Ça a l'air pas mal brillant. Mm-hmm. Puis ensuite, on a une couche de peinture. Donc au total, on se retrouve avec un produit qui combine 4 ou 5 types de matériaux différents, même pas de polymères, mais de matériaux différents. Et à la fin, pour recycler quelque chose comme ça, c'est quand même, enfin, c'est pas trop faisable en réalité. Ça finit aux ordures. Il n'y a pas moyen de séparer toutes ces couches. Mais du coup, est-ce qu'il y a des alternatives au niveau de l'emballage qui permettrait par exemple d'avoir des paquets de chips soit dégradables, soit recyclables plus facilement? Mm-hmm. Oui, ben, c'est une grande question que tu as là. Dans le fond, plusieurs industriels se cassent la tête justement à remplacer les emballages d'un qui sont multicouches pour en faire par exemple un emballage monolayer, monomatériaux, qui serait capable de faire toutes les fonctions d'un emballage multicouche, mais qui sont de différentes technologies capables de le faire en une seule couche. Par exemple, on intègre dans une master batch là, une formulation de plastique, des barrières qui ne sont pas dans un film comme tel, mais intégrées là, dans une seule formulation qui, elle, va être recyclable parce qu'elle contient de faibles proportions là, d'autres types de composés à l'intérieur. Cependant, l'autre problème, c'est quand on arrive au centre de tri, au Québec, les différents centres de tri qu'on a ne permettent pas de séparer, par exemple, les emballages souples des papiers. C'est une question de poids. Donc, lors du tri du papier avec les emballages plastiques, les emballages souples vont partir avec le vent, avec, ben dans le fond, la suction ou le procédé qui est fait pour séparer les deux. Là. Peux-tu nous le détailler un peu plus, ce procédé? Oui, ben, je n'ai pas les détails exactement, mais c'est connu que, dans le fond, dans une première étape de tri, au centre de tri, les composés plus lourds sont séparés des composés plus légers. Les composés plus légers étant majoritairement du papier. Malheureusement, les plastiques souples partent avec ça aussi. Donc, peu importe si on a un plastique qui est multicouche ou monocouche, il va contaminer tout le processus de tri des papiers. Donc, il va entrer vraiment, il va falloir qu'il y ait une autre étape de tri manuel probablement qui va se faire et qui va être nécessaire pour enlever tout ce qui est plastique pour pas influencer la qualité du papier qui va en résulter. Ça, c'est un gros problème parce que, bon, maintenant, on a développé, comme j'ai dit, des stand-up pouches, des films plastiques qui sont faits en monocouche. On les appelle les « recycle ready ». en industrie. Transcontinental, entre autres, en ont développé quelques-uns, là, les grands dans le domaine du packaging. C'est comme on dit, c'est recycle ready, mais pas nécessairement recyclé dans les conditions actuelles. Une des solutions qui est faite, c'est d'avoir des stations de drop-off, c'est-à-dire qu'on peut accumuler ces sacs-là dans un endroit stratégique, là, soit à l'épicerie ou qu'on le fasse chez soi. Et puis après ça, on les assemble ensemble pour que ça soit assez pesant et que ça puisse être recyclé avec les plastiques bien identifiés. Sans s'envoler avec le papier. Exactement. Puis il y a toutes les notions qui entourent le recyclage. Par exemple, on a des barquettes en plastique PET qui peuvent être faites avec du PET recyclé qui sont super, super bonnes en termes d'économie, de circularité parce que dans le fond, ils sont récupérés. Puis après, on peut encore les récupérer. Sauf que de donner une teinte foncée à ces barquettes-là, comme les barquettes noires, par exemple, vont faire en sorte que l'œil optique dans les centres de tri, ils ne vont pas être recyclés. Ils ne vont pas être détectés en tant que PET. Donc, c'est difficile de les recycler. Fait qu'il y a plein de notions comme ça qui sont importantes à prendre en considération. Pour revenir à ta question, est-ce qu'il y a des alternatives? Oui, il y en a. C'est pas à n'importe quel prix, puis c'est pas à n'importe quelle disponibilité. Entre autres, on a fait avec une entreprise Prana qui, elle, a mis de développer un projet avec nous et avec des gens qui sont spécialisés en analyse de cycle de vie, par exemple. Leur approche a été publicisée d'ailleurs sur leur site, là, donc il n'y a pas de problème d'en parler. T'sais, pour lesquels, eux autres, ils voulaient remplacer leur stand-up pouch qu'ils avaient pour leurs produits, leur grignotine et tout ça, et pour les mettre dans un emballage qui soit plus éco-responsable parce que ça représentait leur valeur d'entreprise et tout ça. Donc, on a essayé de trouver des solutions pour eux, entre autres en termes de monomatériel, en termes d'emballage biodégradable à base de PLA, par exemple, de papier enduit qui fait en sorte qu'on avait un certain niveau de barrière pour empêcher l'oxydation des noix et choses comme ça. Pour se rendre compte, finalement, que au niveau de la conservation, les solutions compostables et tout ça ne sont pas encore assez performantes pour se conserver le produit adéquatement. Donc, le gaspillage alimentaire va entrer là, à ce moment-là en ligne de cause. Donc, c'est connu en termes d'analyse de cycle de vie que si on perd des noix, dans le fond, parce qu'on ne les a pas consommées, il y a beaucoup une empreinte carbone élevée qui est associée à cette perte-là, plus importante que l'utilisation d'un emballage adéquat. Donc, pour eux, pour l'instant, la solution compostable n'était pas adéquate. Aussi parce que c'était beaucoup plus cher. On parle de 3, 4, 5, 6 fois plus cher. Pas beaucoup de disponibilité sur le marché. Souvent, c'est un seul fournisseur qui va être capable de vous offrir la solution qui est bonne pour vous. Donc, si cette entreprise-là fait faillite, vous êtes pris. Là. Il n'y a pas de solution. Donc, en termes de recyclabilité, c'est sûr que la solution monomatérielle représentait encore pour eux un problème parce que c'était pas plus recyclable que le multimatériel. Mais c'est en voie de, avec, entre autres, la modernisation de la collecte sélective, probablement qu'il va y avoir des solutions dans l'avenir pour recycler ça. Alors, j'ai plusieurs petites questions. Déjà, peut-être, dernière chose que tu as mentionné, c'est la restructuration de la collecte sélective. Est-ce que c'est pas déjà ce qu'on fait, nous, la collecte sélective, quand on met nos affaires dans les différents bacs? Oui, c'est ça, mais présentement, il y a un processus au Québec là, de modernisation de cette collecte. Ça inclut, entre autres, tout ce qui est la consigne du verre et autres éléments. C'est pas encore arrêté sur quoi la modernisation va porter exactement. Il y a encore des choses à régler, là, mais je vous invite à regarder sur le site de Recycle Québec, entre autres, ou Éco-Entreprise Québec qui font mention de ce processus-là là, qui est fait au niveau provincial. Éventuellement aussi, à Montréal, entre autres, il va y avoir des investissements majeurs dans des centres de biométhanisation et de compostage. Donc, ça, c'est une autre avenue que l'on peut voir parce que pour l'instant, quand on a un film plastique, pas un film plastique, mais un film ou une barquette qui est compostable, qui est par exemple fait avec du PLA, donc de l'acide polylactique qui est obtenu par la polymération des sucres. Bien, ce qui arrive, c'est que le consommateur moyen ne va pas aller voir en arrière puis constater qu'il s'agit d'un numéro 7 là, au niveau de la recyclabilité, 7 étant les autres matériaux, soit des mélanges ou soit des biomatériaux comme le PLA. Donc, il y a un aspect plastique, les gens vont mettre ça dans le recyclage. Dans le recyclage, il ne va pas être au bon endroit pour être composté, évidemment. Et puis, ce que ça va faire, c'est que ça va contaminer justement des chaînes de de recyclage qui sont très bonnes au Québec, entre autres celle du PET, qui a une bonne valeur de réutilisation. Donc, ce n'est pas une solution idéale. T'sais. Il y a beaucoup en termes de communication de choses à faire, mais également, si on est capable d'avoir des facilités de compostage industriel qui sont à la hauteur pour ce genre de produit-là, c'est sûr que ça va donner un coup de main intéressant, là. Puis c'est super qu'on parle du PLA parce que c'est un des exemples qu'on utilise dans le cours justement. Le PLA, le PHA et le PHB, c'est les trois, le trio pour l'instant lorsqu'il s'agit de biodégradabilité, compostabilité. Puis le PLA, ça c'est un cas intéressant parce qu'il a, il a gagné énormément de succès au niveau d'une technologie d'impression 3D par filament. Donc c'est le numéro un qu'on utilise en se disant que nos pièces sont un peu comme biodégradables. Bon, en réalité, ce plastique, il est compostable et pas exactement biodégradable. Si on laisse dans la nature, la durée de dégradation est très très longue, je ne me rappelle plus exactement, mais par contre, ce que tu as mentionné, comme dans des bioréacteurs, on est capable de le composter à une vitesse plus rapide, plus raisonnable. Donc là, on parle de réacteurs qui sont quand même à des températures élevées, là, de 50, 60 degrés, puis qui ont des taux d'humidité élevés. Il faut maintenir nos colonies de bactéries, tout ça. Et ce dont tu parlais, c'est qu'à Montréal, il va y avoir des investissements prochainement pour justement ajouter ce genre d'installation. Puis qu'est-ce qu'on retire de tout ça quand on met nos plastiques là-dedans, quand on les composte là-dedans? Qu'est-ce qui arrive au final au plastique et puis. Bien, il y a deux grandes voies. Il y a la voie du compostage, tu sais, qui va être mélangée à la matière organique, puis après ça va servir à enrichir nos terres. Et puis l'autre voie, c'est quand on est en anaérobie, donc en l'absence d'oxygène, on va avoir de la biométhanisation, donc qui va nous permettre de capter des gaz qui vont servir d'énergie, voilà, d'énergie. Puis donc c'est ça, oui, pour revenir à ton point concernant la biodégradabilité, compostabilité, ça aussi c'est une autre chose nous à l'ITEGA, qu'on essaie de faire là, au niveau de notre clientèle, c'est d'éduquer les gens. Là. Les gens veulent avoir quelque chose de. Des fois, ils mélangent les termes biodégradable, compostable. Tout ce qui est compostable va être biodégradable, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'un emballage compostable, ça doit se faire en dedans de 6 mois, par exemple. Il y a des délais de temps. Et aussi, bon, compostage industriel versus le compost home compost, qu'on appelle, là. Il y a des certifications en ce sens-là. C'est très différent. C'est-à-dire que compostage industriel, ça implique, comme tu disais, des températures très élevé, de taux d'humidité aussi élevé. Donc, des centres comme ceux-là qui vont être en construction dans les prochaines années là, au Québec, là, entre autres à Montréal, peut-être même dans les cantons de l'Est, à Sherbrooke et tout ça. Fait que c'est ça, c'est des choses qui sont à tenir compte, dans le fond, dans une approche d'éco-conception d'un emballage. C'est bien de dire, OK, on va changer pour une solution compostable, mais il faut aller au bout, il faut communiquer aussi ce changement-là auprès de sa clientèle afin que ceux-ci vont déposer en fin de vie là, les emballages au bon endroit pour s'assurer que ce soit bien récupéré ou bien composté. Sinon, on ne fait pas le travail au final et tout ce qui a été investi auparavant n'arrive pas au résultat. Puis, tu as mentionné à un moment le papier enduit. Est-ce que tu pourrais nous détailler ce que c'est que du papier enduit? Oui, ben dans le fond, de plus en plus là, en Europe, en Asie, vous irez voir la KitKat version japonaise, je crois, est emballée dans un papier enduit. En tout cas, aux dernières nouvelles, c'était ça l'emballage officiel là-bas. Dans le fond, c'est un papier sur lequel on met un enduit à base d'eau, water-based coating, qu'on appelle là, dans le fond, au lieu de le laminer avec un plastique, par exemple, comme un carton de lait, qui le rend complètement non recyclable, bien, dans ce cas-ci, là, on met vraiment un enduit qui se décompose avec le papier. Donc, il n'y a pas de produits chimiques qui ne permettent pas le compostage. Ça lui donne une certaine résistance à l'eau, dans le fond. C'est surtout ça le principe. Il y a d'autres stratégies qui sont connues. Entre autres, Cascade maintenant fait des enduits avec une marque commerciale qui s'appelle le Surf Shield, qui donne aussi une certaine résistance à l'eau. Il y a certains procédés chimiques, là, je vais dire chromatogénie, je pense, qui existent et qui fait des choses assez impressionnantes là, quand on regarde. Là, dans le fond, ça permet que l'eau perle dessus là, au lieu d'avoir. Exactement, au lieu de pénétrer. Donc, ça, c'est pas mal des technologies d'avenir pour les produits qui s'y prêtent. Mais la plupart du temps, ces enduits-là ne permettent pas encore d'avoir des barrières à l'oxygène qui sont très élevées. Donc, ça ne s'applique pas vraiment à dans tous les aliments dans lesquels on conditionnerait avec des gaz comme pour les lesquels on paquets de chips. élimine. Exactement comme les paquets de chips, comme par exemple la viande dans laquelle on ne veut pas éliminer l'oxygène pour limiter les contaminations microbiennes et tout ça. Toutes les noix aussi que l'on ne veut pas qu'elles s'oxydent. C'est soit qu'on réduit les durées de vie, donc de 6 mois, peut-être à 3 mois, soit qu'on n'a pas le choix d'aller des emballages qui sont plus hautes barrières. Puis cet enduit, est-ce que c'est un polymère? Bon, la plupart des recettes sont sous brevet en instance. Là, j'ai pas les détails de qu'est-ce que ça contient. Je pense qu'il y a certains enduits qui sont composés d'argile ou de nanoparticules d'argile, entre autres. Sur un autre sujet maintenant, quelque chose dont j'ai personnellement entendu parler dernièrement, enfin, j'avais déjà vu ça dans quelques articles, pas des articles scientifiques, j'ai jamais trop pris le temps de le creuser, donc c'est pour ça que j'en profite pour poser la question ici. Les emballages plastiques qu'on utilise pour les aliments, est-ce qu'il y a de la contamination de l'emballage plastique vers l'aliment qui se produit ou est-ce que ça peut se produire? C'est quelque chose de courant? Très bonne question. C'est le genre d'analyse qu'on fait, entre autres, à l'ITEGA, des analyses de migration que l'on appelle. En gros, on a deux grandes catégories. Il y a la migration globale, c'est-à-dire c'est quoi la quantité. Parce que oui, pour répondre à ta question, il y a des molécules de l'emballage qui vont migrer vers l'aliment. On parle de l'emballage primaire habituellement. Donc, la migration globale, c'est le contenu total, la masse totale qui va migrer pour une surface donnée là, dans un simulant donné vers l'aliment. Et la migration spécifique, bien là, à ce moment-là, on va parler de composants spécifiques. Par exemple, on veut suivre le fameux bisphénol A, le BPA qu'on a vu là, dans les biberons pour bébés, ou par exemple, certains plastifiants qui ont tendance à migrer parce que, dans le fond, avec le but d'ajouter des plastifiants dans un plastique, c'est justement donner de la mobilité, puis donner plus de souplesse à des films. Donc, ils vont avoir tendance à moins être pris chimiquement, là, En fait, exactement. il flotte entre les chaînes pour justement limiter le nombre de liaisons qu'on a entre les chaînes et les rendre un peu moins rigides, leur donner un plus de flexibilité. Puis du coup, Voilà, très parfois, ils bien ont dit, tendance merci. à s'en aller dans l'aliment. Exactement. Et que ça, c'est des choses qui sont connues. Donc, les BPA, ça, c'est des choses qui avaient fait grand vent là, il y a quelques années. Puis, de plus en plus, on en entend parler. Aussi, il y avait eu des études importantes qui avaient été faites en Europe sur les migrations, en fait, de composer les MOSH, les MOSH, puis il y en avait un autre aussi, terme, là, de ces composés-là qui viennent des encres, dans les huiles minérales des encres, dans le fond, qui sont dans les boîtes de carton des céréales. Et qui sont capables de traverser la barrière du plastique, souvent c'est un sac en HDPE, les céréales, et d'être en contact avec les céréales à un certain taux. Donc, il y a tout un débat par rapport à ça. Est-ce que c'est nocif? Après ça fait intervenir aussi des analyses sur l'impact au niveau de la santé, des limites d'acceptabilité aussi. Donc, ça, c'est des choses qui sont connues. Il y a des analyses aussi qui sont faites spécifiquement pour ça que l'on peut faire, des normes de la FDA, là, la Food and Drug Association, puis Administration. Et en France, en Europe, en fait, aussi, il y a plein de normes. Ici, au Canada, c'est Santé Canada qui gère les emballages, l'acceptabilité, en fait, des emballages. Depuis un certain nombre d'années, il n'y a pas de. On n'a pas besoin au Canada de faire approuver nécessairement un emballage, mais on peut aller obtenir une lettre, par exemple, de non-objection d'utilisation d'un type d'emballage. Sauf que quand on a des nouveaux polymères ou des nouvelles formulations, mais c'est sûr que c'est toujours une bonne idée de faire certifier cet emballage-là. Donc, nous, on peut participer à cet processus-là en fournissant, entre autres, des résultats d'analyse de migration là, pour les fabricants d'emballage. C'est super intéressant. Effectivement, on n'y pense pas beaucoup, mais ouais, c'est des choses qui arrivent. Puis récemment, là, qu'on entend de plus en plus parler aussi des microplastiques qu'on trouve à l'intérieur des poumons des gens, dans le sang, dans différents organes, tout ça, ça fait penser un petit peu. Mais on a parlé que de mauvaises choses concernant les polymères. C'est pas le but parce qu'il y a d'énormes avantages des polymères, particulièrement qu'on peut en faire des films par exemple, et puis qu'on peut en faire des emballages. Ça, comme vous l'avez expliqué un peu plus tôt, si on parle des aliments, ça permet d'étendre la durée de vie durant laquelle on peut les stocker. Au final, le fait de pouvoir les conserver plus longtemps et de les consommer par la suite, bah, ça vient changer un petit peu l'empreinte carbone. Donc c'est juste pour pousser un peu la balance dans l'autre sens. Il y a quand même des gros avantages aux polymères, mais ceci dit, je pense, ça reste quand même une technologie assez récente. Les polymères, c'est commencé à être utilisé peut-être dans l'emballage alimentaire dans les années 60, 70, je suis pas tout à fait certain de cette date, mais la majorité des formulations de polymères qu'on utilise aujourd'hui dans l'industrie, en tout cas, elles sont relativement récentes. Donc l'impact sur le long terme, il reste quand même encore à étudier et à déterminer, puisque vous dites, c'est que c'est ce processus qui est en ce moment en cours d'évaluation. Est-ce qu'on est tout à fait, ouais, on n'est pas tout à fait certain de l'impact que ça a sur nous en réalité? Oui, c'est sûr que, tu sais, dans le fond, ça prend des années pour collecter des données, par exemple, sur est-ce qu'on bioaccumule certains composés de plastique chez l'humain, bon, comme on le fait avec certains poissons ou certains animaux de la faune, là. C'est sûr que c'est des analyses qui doivent être aussi faites de façon neutre, ne doivent pas être commanditées par des organismes. organismes, exactement, là, tu sais, qui auraient un billet par rapport à ça, là. Donc, oui, c'est sûr que, comme tu l'as dit, là, je pense que l'emballage parfait n'existe pas. On ne peut pas non plus ne pas emballer la plupart des aliments parce qu'ils ne vont pas se conserver. Puis, dans le fond, pour un produit, là, la pire empreinte environnementale qu'on peut avoir, c'est de ne pas le consommer, de le gaspiller avant qu'il soit périmé. Donc, considérant qu'on entend des statistiques, là, bon, je ne sais plus c'est quoi qui est la bonne, là, mais entre 30 et 50 % des aliments qui sont produits ne seraient pas consommés. Et ça, c'est une grave problématique, là, prendre puis, tu sais, en considération. Mais je pense vite, vite un peu, je suis hors sujet, mais tu sais, tant que les dates de péremption ou qu'on appelle les dates meilleures avant, j'ai entendu dire l'autre jour une personne qui disait ça à l'épicerie, puis j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est pas parce qu'un aliment n'est pas meilleur avant telle date qu'il n'est plus bon. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de formation des consommateurs à faire aussi, par exemple, pour des produits qui sont qui sont jetés trop rapidement parce qu'on a peur de les consommer, là, mais c'est tout un dossier aussi en tant que tel. Autre question maintenant sur un autre sujet. Dans votre profil, j'ai pu remarquer que vous êtes travaillé actuellement sur des emballages qui sont dits actifs et intelligents. Qu'est-ce que ça veut dire un emballage actif, puis qu'est-ce que ça veut dire un emballage intelligent? Oui, un emballage actif, ça va être un emballage qui va avoir un effet sur le produit avec lequel il est combiné. C'est-à-dire qu'il va pouvoir relarguer, par exemple, des absorbeurs d'oxygène, des émetteurs de CO2 pour la conservation. Il va pouvoir absorber l'éthylène pour ralentir le mûrissement de certains fruits, par exemple. Il va même émettre des composés antimicrobiens dans certains cas. Donc, ça, c'est un emballage actif. Un emballage que je peux vous donner un exemple par exemple, qui existe sur le marché, c'est les fameux tampons de viande que l'on retrouve pour absorber la purge là, des volailles, par exemple. Ben, certaines entreprises sont capables dans ces fameux tampons-là, d'incorporer des composés. Là, souvent, c'est composé de bicarbonate de sodium avec un acide. Donc, quand il y a de l'eau de purge qui va s'accumuler dans ce tampon-là, il y a la réaction chimique qui va se faire entre la base et puis l'acide. Ça va faire en sorte qu'il y a du CO2 qui va se dégager. Donc, ça crée dans l'atmosphère de l'emballage une atmosphère modifiée par l'accumulation de CO2. Ça va ralentir le développement microbien et éventuellement augmenter la durée de vie du produit. Donc, c'est un des exemples qui existent sur le marché d'emballage actif. Des fois, on a des sachets aussi. C'est plus dans les chaussures, là, l'absorbeur d'humidité. Mais de plus en plus dans l'alimentaire, ils sont acceptés maintenant, je pense, dans certaines catégories comme les bacon bits, entre autres, là, pour absorber l'oxygène. Donc, c'est à base de fer, l'oxyde de fer va s'accumuler puis va permettre de conserver le produit plus longtemps. Absorbeur d'humidité, on l'a dit, tout ça. Donc, c'est des technologies qui existent, qui ne sont pas encore très, très, très répandues sur le marché, mais qui sont appelées à le devenir, là, considérant l'importance de consommer des aliments avant qu'ils soient plus bons, là, finalement. Au niveau des emballages intelligents, c'est plus un élément, ça peut être une étiquette, ça peut être un emballage, ça peut prendre différentes formes, mais c'est impliqué avec soit un produit ou un lot de produits pour donner des indications sur l'emballage ou sur les conditions auxquelles l'emballage a été soumis lors du transport, par exemple. Il y a vraiment de toutes sortes, là. Il y a des emballages, par exemple, pour suivre la température d'un produit. On parlait récemment des vaccins avec le fameux Pfizer qui devait être conservé à moins 70, je pense, là. Donc, dans ce cas-là, on est capable d'apposer une espèce d'étiquette que l'on, finalement, on active là, en pressant dessus physiquement. Et après ça, ça va juste suivre la température du produit. Soit que ça va l'enregistrer avec un truc RFID, là, une antenne RFID, ou sinon, ça peut aussi être soumis à une réaction chimique qui fait que si la température est abusive, au positif ou dans le négatif, si on peut en mettre dans les Bien étiquettes dans sûr. les deux sens. Il va avoir une réaction enzymatique ou chimique qui va se créer sur l'étiquette puis qui va faire changer de couleur finalement, qui va faire en sorte qu'il va vous dire quand l'emballage est arrivé à destination, ben c'est pas bon parce que ça a passé plus que 2 heures, disons, à température au-delà de celle prescrite. Fait que ça, c'est le genre d'informations que l'on peut avoir. Évidemment, il y a des emballages intelligents qui sont moins cruciaux que d'autres, là. Entre autres, la bière Coors, je pense, ou ouais, la marque Coors, qui a les montagnes dessus. Les montagnes deviennent bleues quand la bière est froide. Donc, ça, c'est un emballage actif. Ça nous informe de la fraîcheur de notre produit. On peut conserver notre bière à température idéale. Mais bon, c'est pas nécessairement, ça va pas en faire en sorte que votre produit sera plus bon ou quoi que ce soit, mais c'est un exemple plus ludique un peu. Sinon, nous, à l'ITEGA, on a travaillé sur des détecteurs de fraîcheur aussi, qui permettent de changer de couleur, par exemple, pour de la salade en barquette prête à l'emploi. Dépendamment des températures auxquelles elle a été soumise, ça se peut que la salade elle soit encore très bonne, même après la date de péremption, ou au contraire, qu'elle se vieillisse très rapidement à cause des conditions de récolte, à cause des conditions de transport et tout ça. On ne contrôle pas ça. Donc, on est capable de faire en sorte de mettre une étiquette qui, lui, va détecter des métabolites de décomposition, finalement, de la salade, qui vont être captés parce que c'est des molécules qui sont volatiles. Donc, captés sur une étiquette qui, lui, va changer de couleur parce qu'il y a un changement de pH ou il y a un changement autre qui va être capté. Puis, ça va vous permettre de vous dire, bon, il y a un changement de couleur, c'est le temps que j'utilise ma salade avant qu'elle soit vraiment plus bonne. Ce genre de choses qui existent. Sinon, il y a tous les emballages intelligents aussi qui ont rapport avec ben, les codes QR, avoir de l'information supplémentaire, par exemple, savoir la destination d'un produit pharmaceutique. Il y a des entreprises qui veulent avoir l'information, à savoir quand est-ce que le produit a été ouvert, est-ce qu'il y a une influence, par exemple, des conditions environnementales. Donc, l'emballage intelligent, ça ressemble plus à ça, donc ça va nous informer sur le produit. Parfait, ben, je pense qu'on fait pas mal le tour de la question des emballages et des polymères. Peut-être pour terminer, une question que je pose d'habitude aux personnes qui acceptent de participer à cette discussion, c'est à votre avis, c'est quoi l'avenir des emballages si on reste dans les polymères? Donc on a parlé, on l'a couvert un petit peu là, je pense, dans le passé, mais si on devait faire une synthèse dans les 5-10 ans à venir, à quoi on devrait s'attendre de voir venir là par rapport aux polymères et aux emballages? Beaucoup le recyclage, d'avoir des matériaux de plus en plus recyclables. Je parle de recyclage physique, mais aussi de recyclage chimique. On a certaines entreprises de plus en plus qui vont, dans le fond, prendre du plastique comme le PET, par exemple, puis qui vont redonner le monomère de base, puis après ça, repartir à zéro. Parce qu'il faut savoir qu'un emballage, ça a un temps de recyclage quand même donné, parce que, Donc bon. on peut le recycler un certain nombre de fois. Puis après quoi? Exactement. Les chaînes polymériques vont perdre un peu de leur longueur. Bon, si on parle de papier, ben, les fibres vont se briser, vont être moins efficaces. Donc, je pense qu'on s'en va vers ça. Dans l'économie circulaire, c'est certainement une Et des vers choses ça. qui est. Ce que vous dites, c'est qu'on peut décomposer la chaîne en revenir au bloc de monomère et ensuite du coup les réutiliser pour reconstruire des chaînes de polymères, puis réutiliser le produit à zéro. Exactement, c'est ça. Des entreprises comme Loop Industry font ça pour le PET. J'ai un autre nom qui m'échappe, là, une entreprise, des entreprises, entre autres, je pense que Loop Industry, ça vient de Terrebonne, donc c'est vraiment très local. Bon, des entreprises aussi qui développent des procédés pour le recyclage du polystyrène, comme polystyvert, entre autres. Donc, on s'en va vraiment vers un élargissement de tout ce qui est recyclabilité, je pense, de pas nécessairement se limiter au PET, au polyéthylène ou polypropylène. On essaie d'aller vers plus large. Question, est-ce que c'est coûteux ce genre de transformation ou est-ce que ça concurrence un petit peu le prix de la matière vierge? C'est une bonne question. J'ai pas de réponse à ça. Je pense que ça doit l'être parce que sinon, ça n'aurait pas sa raison d'être, ou du moins, il y aurait un travail à faire là-dessus. Ça donne aussi ben, une qualité supérieure au produit. Là, on est certain qu'il n'y a pas de problème de contamination, par exemple, avec des composés. Donc, c'est sûr que ça a une plus-value un peu. Sinon, dans les choses à venir, ben, c'est sûr que tout ce qui est compostable aussi, tout ce qui est emballage actif, intelligent, c'est toutes des choses qui sont d'avenir. On parle beaucoup d'éco conception, donc de minimiser, par exemple, des contenus en plastique, minimiser le ratio emballage aliment, toutes les stratégies qui sont dans ce sens-là. Je pense qu'on en est là. Toute l'utilisation, puis l'optimisation aussi des procédés d'obtention des bioplastiques, là. Tu en as nommé un petit peu tantôt, là, il y avait le PLA, mais il y en a des nouveaux aussi, le PHA et compagnie, qui sont en devenir. L'utilisation aussi de rebuts alimentaires comme ressources pour faire des polymères, par exemple, la pomme de terre dans les plus il y a encore de l'amidon. On peut réutiliser de l'amidon, par exemple, pour en faire de l'amidon thermoplastique, des emballages et tout ça. Puis je pense qu'on s'en va aussi vers l'utilisation du juste emballage, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas enlever l'emballage parce qu'il risque d'avoir des problèmes au niveau de la conservation, mais vraiment d'aller au niveau où on a un compromis idéal entre la performance de l'emballage, mais également l'empreinte environnementale qui est minimisée là, par une étude vraiment d'éco-conception qui implique l'analyse de cycle de vie, la circularité et tout ça. Là. Je pense que ça fait partie des choses à venir. Super. Et puis s'il y a des étudiants là, en écoutant notre conversation qui sont très intéressés, prenez-vous des stagiaires à l'ITEGA? Oui, on prend des stagiaires à l'ITEGA. Il faut savoir que nous, dans le fond, c'est qu'on est dans la recherche très appliquée. On fait de la recherche rapidement là, avec des partenaires industriels. Notre but n'est pas de publier des articles scientifiques, mais vraiment, on est financé pour aider l'industrie à développer des solutions innovantes en alimentaire, en emballage et en procédés, aussi en ingénierie des procédés alimentaires. Donc, on prend des stagiaires dans le cadre de différents projets qui s'y portent. Souvent, c'est encouragé aussi par les organismes subventionnaires. Ça peut être des stages très courte durée puis longue durée. On est évidemment ouvert. C'est toujours bon d'avoir des jeunes dans l'équipe aussi. Ça donne du sang neuf, ça donne des idées nouvelles aussi. Puis, c'est des projets souvent qui sont de courte échéance. On parle de 6 mois à 2 ans, parfois 3 ans, mais c'est habituellement 6 mois et 1 an la plupart de nos projets. Là. Donc, si la recherche appliquée vous intéresse, c'est sûr que vous pourriez faire un stage avec TEGA. Merci beaucoup pour cette discussion. Je pense que les étudiants vont être très intéressés par en apprendre un peu plus sur où sont conservés les aliments qu'on consomme, puis comment ils s'en viennent jusqu'à notre assiette, puis les conséquences que ça a aussi sur tout le reste autour.